Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'écrivain et activiste noir américain James Baldwin. Il y a toujours le beau jour, tu as 5 ans ou 6 ans, pas plus tard, que quelqu'un à l'école, ou un gosse, ou un flic, ou un instituteur, t'appelle « sale nègre ». Et tu demandes à ta mère ou ta père, ton père, et tu dis « maman, qu'est-ce que ça veut dire, sale nègre ?» Et tu vois quelque chose dans le visage. Et tu te rends compte, sans se rendre compte, qu'elle l'attendait. Dans une espèce de panique, elle attendait ce jour quand tu arriveras à la maison en disant, mine de rien, « Maman, qu'est-ce que ça veut dire, sale nègre ?» À peu près toute la littérature de James Baldwin tourne autour de cette réalité dont il parle à l'émission USA 30 ans d'histoire en août 1976, la réalité d'être noir aux États-Unis. James Baldwin est l'une des plumes les plus importantes de la littérature américaine au 20e siècle, de même qu'il est l'une des voix les plus fortes du mouvement des droits civiques aux États-Unis. There are days when you wonder what your role is in this country and what your future is in it. Il y a des jours où on se demande quel est notre rôle dans ce pays et de quoi le futur sera fait. Je ne peux pas être un pessimiste parce que je suis vivant. La question que doit se poser la population blanche de ce pays est pourquoi il était nécessaire pour elle de nous voir comme des nègres. Je ne suis pas un nègre, je suis un homme. Mais si vous croyez que je suis un nègre, c'est que vous en avez besoin et vous devez savoir pourquoi. Le futur de ce pays en dépend. Extrait de la bande-annonce du documentaire « I'm not your Negro, je ne suis pas votre nègre » en français, un documentaire réalisé par Raoul Peck en 2017, un documentaire qui s'inspire des mots, de la pensée, de l'univers de James Baldwin pour nous présenter cette importante figure de la littérature, du combat des Noirs également aux États-Unis. Je reçois Jean-Pierre Leglonec, qui est professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Jean-Pierre Leglonec, bonjour. Bonjour. On dirait qu'il y a comme un retour, un regain d'intérêt pour Baldwin, ce documentaire « I'm not your Negro » réalisé en 2017. Un film inspiré d'un roman de James Baldwin et « Si Beale Street pouvait parler » est sorti tout récemment en salle. Ça correspond à quoi? Pourquoi ce regain d'intérêt pour James Baldwin? Bien, je répondrais simplement que la question raciale n'est pas réglée aux États-Unis, comme en témoigne le mouvement Black Lives Matter et comme en témoigne finalement aussi toute la production culturelle qui a émergé de ce mouvement qui vise à montrer que les corps noirs sont encore des corps détruits, exploités, incarcérés aux États-Unis. Donc la question raciale n'est pas réglée. Et au fond, derrière ce non-règlement de la question raciale, on trouve James Baldwin, que j'ai envie d'appeler la face cachée de Martin Luther King. On connaît bien Martin Luther King. Et au fond, on connaît assez peu James Baldwin. Et pourtant, les deux personnages, qui étaient très amis, sont deux prophètes. On a un prophète plutôt religieux, d'un côté, et un prophète laïque, James Baldwin, un romancier, un essayiste, un activiste. Est-ce que Luther King n'est pas celui qui rêve d'une Amérique où les Noirs ont leur place et Baldwin, celui qui met cette Amérique blanche qui empêche ce rêve de se réaliser devant ses contradictions, d'une certaine manière, ou en tout cas son incohérence? Absolument. Mais James Baldwin, on vient de l'entendre, est un optimiste. Alors c'est vrai qu'il met le doigt sur les incohérences, les paradoxes des États-Unis, mais il met aussi le doigt sur les solutions. De manière très prophétique, il appelle à une réconciliation raciale qui passe par un certain nombre de thématiques qu'on va aborder dans cette émission. Oui. Quand on parle de Baldwin, quand on s'intéresse à Baldwin, parce qu'il le fait lui-même, on s'intéresse forcément à l'histoire, Jean-Pierre Leglonec, à l'histoire des Noirs aux États-Unis, à l'histoire de ce pays, les États-Unis d'Amérique. Oui, on vient de l'entendre hein, pour Baldwin, en fait. Enfin, on vient de l'entendre dans le documentaire de Raoul Peck. Pour Baldwin, la question de la race, la question de la violence raciale, la question du corps noir, la question de cette équation entre corps noir, couleur de peau et inégalité, c'est pas juste une question qui fait partie de l'histoire des États-Unis, c'est les États-Unis. Il établit cette équation de base. Les États-Unis, à l'origine, c'est un paradoxe. Et ce paradoxe a besoin de corps noir pour exister. Ouais. Dans la haine, dans les inégalités, dans la production d'inégalités sociales, les États-Unis ont besoin de corps noir. De corps esclaves, de corps ségrégés, de corps lynchés, de corps incarcérés. Ça prend du noir pour qu'il y ait l'objet ouais. États-Unis. Et ce pays-là, dit Baldwin en gros, c'est un pays qui refuse de voir cette injustice incroyable sur laquelle il s'est construit. On faisait une émission il y a peu de temps sur Frédéric Douglass, qui dans son célèbre discours du 5 juillet, quand il parle de la signification de la fête nationale du 4 juillet, dit un peu la même chose aux Blancs américains, à la population blanche des États-Unis. Mais regardez-vous, il y a quelque chose de... C'est pas le mensonge, mais vous vous mentez à vous-même en présentant cette histoire avec un beau vernis glorieux. Votre pays repose sur l'inégalité que vous faites subir aux Noirs. C'est ça aussi le message de Baldwin. Oui, tout à fait. Et Baldwin, c'est vraiment... c'est un prophète de l'honnêteté, de la vérité. Il appelle à la fin des mensonges. Que ces mensonges aient lieu dans une église noire à Harlem ou que ces mensonges soient prononcés par Robert Kennedy, par exemple, que Baldwin a fréquenté, enfin qu'il a rencontré à plusieurs reprises pour essayer de comprendre comment régler la question du problème noir aux États-Unis. Ouais. Donc oui, Baldwin, c'est un petit peu c'est l'âme, c'est la conscience ouais. de cette jeune nation. Parle un petit peu du jeune Baldwin, parce que c'est toujours intéressant de voir d'où les gens viennent. Dans son cas, on pourrait dire d'où les gens reviennent. À quel milieu il appartient? Quel genre d'enfance, de jeunesse il aura? James Baldwin est né, James Jones, du nom de sa mère, est né en 1924 dans le quartier de Harlem, donc au nord de New York. Harlem est alors, dans les années 20, la Mecque du monde noir aux États-Unis, puisque c'est vers Harlem que se dirigent des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers un peu plus tard, d'Afro-Américains qui cherchent à fuir la pauvreté du Sud, le métayage, et qui cherchent aussi à fuir la ségrégation, les lynchages. Donc Harlem est la Mecque du monde noir, c'est une Mecque pauvre, très pauvre. Baldwin grandit dans la pauvreté. Ouais. Il a 8 frères et sœurs. Il ne connaît pas son père. Son père biologique est un père absent. Et son père, son beau-père, David Baldwin, est un homme que James Baldwin déteste pendant très longtemps. C'est un homme très rigide, un ouvrier, descendant d'esclaves, originaire de la Nouvelle-Orléans. Il est aussi prédicateur pentecôtiste de temps à autre dans le quartier. Et surtout, David Baldwin, le père de James, est quelqu'un qui déteste les Blancs. Tous les Blancs sont des démons pour David Baldwin et il fait tout pour protéger ses enfants et notamment son fils, James, qui est très attiré par le monde blanc, ouais. le monde qui se trouve downtown. Downtown étant le monde blanc au sud de la péninsule de Manhattan. Ouais. Alors, Baldwin grandit dans la pauvreté et il cherche, tant bien que mal, très vite, des refuges. Ouais. Et la littérature, il aura deux grands refuges. La religion, un temps, il va l'écarter, celui-là, ce refuge. Mais la littérature, ce sera aussi un de ses grands refuges. Oui, tout à fait. Ces deux refuges sont en effet la religion et la littérature. Et ces deux refuges-là permettent à Baldwin de se poser la grande question de sa vie, qu'on retrouve dans toute son œuvre, romanesque ou dans ses essais. Et c'est la question de l'identité. La question de l'identité, qui est-il? Est-il noir? Comment peut-il être noir? Comment peut-il aimer être noir? Est-il homosexuel? Comment découvrir cette identité sexuelle, cette identité genrée qui va le hanter pendant très longtemps? Et puis son identité aussi de classe. Il est pauvre, très pauvre. Et j'ai envie d'ajouter qu'au fond, ces deux refuges, la religion et les écoles, lui permettent de travailler, de creuser la question qui l'obsède et qui l'obsédera jusqu'à la fin de sa vie, c'est la question du père. Ouais. Ce père absent, ce beau-père brutal, rigide, et puis la question de Dieu le Père. Ouais. Comment Baldwin peut-il être légitime s'il n'a pas de père, s'il a un beau-père violent, et si finalement, plus tard, il se distance de la religion? Ouais. Et c'est quand il va quitter Harlem pour descendre quelques kilomètres plus loin, au sud, mais dans un monde complètement différent, quand il va se retrouver à Greenwich Village, c'est là où il va trouver, Jean-Pierre Le Glonec, un père de substitution, en quelque sorte. Oui, absolument. Mais Baldwin a plein de pères de substitution. Mais après l'école secondaire, Baldwin, en effet, tente de devenir prédicateur, mais il se rend bien compte qu'il ne peut pas être comme son beau-père. Il descend donc à Greenwich Village, accumule les petits emplois, travaille dans des bars, se fait connaître. Et là, il rencontre le peintre afro-américain, Beaufort Delaney, qui devient son père de substitution, ouais. en effet. Et qui l'aime comme un père, qui le protège. Il rencontre également Richard Wright en 1945, le grand auteur afro-américain du moment, qui accepte de le prendre sous son aile. C'est grâce à Richard Wright que Baldwin, en 1948, part en France ouais. afin d'écrire, afin de devenir ce qu'il n'ose pas encore être, un ouais. romancier. Ouais. On est dans l'identité toujours quand on est avec Baldwin. Et effectivement, son départ pour la France, pour Paris en 1948, va être déterminant dans cette quête qu'il a par rapport à son identité. On l'écoute en parler à l'émission Champs libres le 30 novembre 1963. J'ai quitté l'Amérique en 1948 et je n'ai jamais pensé de revenir. Je n'avais... Jusqu'ici, je n'avais marre. Et aussi, j'avais peur. Parce que ce moment-là, je me suis rendu compte que si je n'étais pas un écrivain, je n'étais absolument rien. Je n'étais rien du tout. Et pour moi, c'était vraiment une question de la vie ou la mort. Dans ce cadre social, ça sert le suicide. Je ne serais pas permis. Et donc, j'ai quitté le pays. Et dès que j'ai quitté le pays, enfin, pas l'instant même, mais après quelques mois, une année ou deux, j'ai vu l'Amérique de loin, vous voyez, et j'ai commencé à comprendre les choses que je n'aurais jamais été capable de comprendre lorsque j'étais en plein milieu, n'est-ce pas, lorsque j'étais menacé comme j'étais menacé. Et dès que j'ai commencé à comprendre, j'ai commencé, si je peux dire, de le pardonner. Et cette espèce de libération qui m'est arrivée à Paris me sauve. Vraiment me sauver la vie. C'est intéressant ce qu'il dit. Ça va être vraiment important et déterminant pour lui, cet exil en France. Question, il le dit comme ça, mais c'est vrai, Jean-Pierre Ladonnec, question de vie ou de mort pour lui. Oui, tout à fait. Pour Baldwin, bon, qui a fait plusieurs tentatives de suicide, qui vit des épisodes répétitifs de dépression, il est bien clair qu'il ne peut pas trouver son identité, sa voie et sa maison, car le thème ici est très cher à Baldwin, le thème de maison. Il ne peut pas trouver sa maison à Harlem, ni à Greenwich Village, même si à Greenwich Village, on l'accepte plus ou moins comme il est. Donc il a besoin de l'exil pour ne pas mourir, comme certains de ses amis qui en effet se suicident, qui préfèrent le suicide à la vie. Il choisit de traverser l'océan Atlantique et c'est à Paris finalement, et en France et aussi en Suisse, qu'il trouve la possibilité de ne pas être tout le temps noir. Exactement. Et c'est justement en n'étant pas noir officiellement qu'il va progressivement le devenir et apprécier accepter d'être noir. C'est à Paris qu'il se réconcilie avec qui il est et avec son père. Il faut dire qu'il y a plein, il y a un mouvement. Il n'est pas le seul Américain noir à l'époque à quitter cet enfer que sont les États-Unis pour les Noirs. Beaucoup d'Afro-Américains, de Noirs américains se retrouvent en France, à Paris, et ça donne toute une espèce de fébrilité. Parlez-moi un petit peu de ça. Quel genre de vie va avoir James Baldwin à Paris? Mais à Paris, il écrit peu dans un premier temps. Il arrive en 1948. Son premier roman est publié en 1953. Il publie quelques essais entre les deux. Mais disons qu'à Paris, dans un premier temps, il va d'un hôtel à l'autre. C'est vrai qu'il fréquente la diaspora afro-américaine, Richard Wright, les musiciens, les artistes, les danseurs, les dramaturges. Et puis, à Paris, il fait la découverte de sa sexualité. Il fait la découverte d'une thématique centrale dans son œuvre, notamment La prochaine fois le feu, en 1963. Il fait la découverte de la sensualité. Pour Baldwin, il n'y a qu'une seule solution à son identité et il n'y a qu'une seule, solution au problème de la race, c'est la sensualité. Ce plaisir qu'il y a à mélanger les corps. Donc, il vit toutes sortes d'expériences, mais c'est loin d'être facile, car Paris, c'est loin d'Harlem, il est loin de sa famille, il est très très proche de sa mère. Mais Paris est l'endroit, le territoire un peu imaginaire où il a besoin d'être pour se retrouver. Et pour devenir écrivain, il le disait dans l'extrait, c'est là où il va devenir écrivain, ce qui va aussi un peu lui sauver la vie. Son premier roman, vous l'évoquiez, c'est en 53, donc, qu'il paraît, Go Tell It on the Mountain, Les élus du Seigneur en français, parfois aussi intitulé La conversion en français. Qu'est-ce que ça raconte, ce livre-là? Pourquoi c'est un livre important? Ben, c'est son livre. En fait, c'est un récit semi-autobiographique. James Baldwin parle de lui et il parle de son rapport au père avec qui il se réconcilie. Go Tell It on the Mountain, c'est vraiment la réconciliation avec la figure paternelle, détestée. Son père ne cessait de lui dire, lorsqu'il était enfant, qu'il était très laid, qu'il était l'enfant le plus laid qu'il n'avait jamais vu. Alors au fond, dans ce roman, Baldwin se réconcilie avec ce commentaire. Il se réconcilie avec son père et avec sa propre laideur, entre guillemets. Il n'est pas laid, bien entendu. Ce roman raconte cette histoire-là. C'est le retour vers le père qui est mort. Son père meurt dans les années 1940 d'une tuberculose. Et donc... il peut maintenant être romancier. Ouais. Et puis quelques années plus tard, à Paris toujours, il y aura cet autre roman, Giovanni's Room, La chambre de Giovanni, qui va parler de l'autre grand thème, l'autre grande obsession, l'autre grande quête identitaire, vous l'avez évoqué, son homosexualité. On écoute Dany Laferrière à l'émission En attendant le bigot en juillet 2006 en parler. Et ça, c'est le drame public, la question raciale, le drame secret, c'est l'homosexualité. Et il le décrit très bien, l'homosexualité dans les années 50 aux États-Unis. Vous ne pouvez pas savoir le drame d'un homosexuel d'aimer quelqu'un de son entourage. Imaginez que vous tombez amoureux, ce qui est tout à fait normal, de quelqu'un qui travaille dans le même bureau que vous dans les années 50. Vous êtes mort. On va s'en apercevoir à un moment donné, puisque le cœur, il est spontané. Il peut sauter comme une grenouille hors de votre bouche et se lancer contre le cœur de l'autre. Eh bien, vous êtes mort. Et c'est ce garçon qui va vivre avec ce double problème. Dans son extérieur, sa couleur, sa race, il est noir. Il est vu quand il va chercher un taxi. Il est vu partout comme noir. Il est rejeté pour cela. Et à l'intérieur, il y a l'homosexualité. La seule porte de sortie qu'il trouve, c'est l'écriture. Quelle place ça va occuper, l'homosexualité, dans son œuvre, Jean-Pierre Le Glonec? C'est une place centrale. En 1956, Giovanni's Room déçoit un petit peu, peut-être, les critiques littéraires, parce qu'ils ne s'attendent pas à ce que Baldwin aborde, en plus de la question raciale, la question de l'homosexualité. Et la question de l'homosexualité le poursuit en 1957, lorsqu'il retourne aux États-Unis après ce long exil européen. Il arrive aux États-Unis pour s'impliquer dans la lutte pour les droits civiques. Il rencontre Martin Luther King, il devient orateur pour le CORE, le Congress of Racial Equality, une association de lutte pour les droits civiques. Il retourne dans le Sud, donc il retourne dans la maison du père à la Nouvelle-Orléans. Et à chaque fois, l'homosexualité le poursuit. En 1963, en août 63, il est présent à Washington lors de la grande manifestation lors de laquelle Martin Luther King fait son discours du rêve. Il est là. Ouais. Mais on n'a pas demandé à Baldwin de faire un discours parce que la question de son homosexualité dérange un peu. Au fond, est-il vraiment une figure noire suffisamment consensuelle? En raison de son homosexualité, la réponse est non pour certains. Mais dans la foulée de cette marche des Noirs vers la reconnaissance de leur égalité, c'est l'époque des combats autour des droits civiques aux États-Unis. Vous parlez de cette marche de Washington. Il est là pour ça aussi. Donc, il veut participer. Il est connu à ce moment-là. Absolument. Il revient aux États-Unis pour participer à cette marche-là. Et puis, en 63, arrive cet essai important, peut-être son essai le plus connu, La prochaine fois, le feu. Que dit-il dans cet essai-là? C'est un essai fondamental, publié le 100e anniversaire de la déclaration de la proclamation d'abolition de l'esclavage. Et en 63, en fait, Baldwin fait le constat que 100 ans après l'abolition de l'esclavage, les États-Unis sont toujours aux prises avec le même problème, la question de la race. Il dit deux choses fondamentales dans cet essai. La première, c'est qu'il appelle ses frères et sœurs noirs à ne pas imaginer que la solution se trouve dans la violence, le nationalisme noir, la séparation. Il s'en prend notamment aux musulmans noirs qui espèrent ou qui imaginent que la solution se trouve dans une séparation radicale. Ouais. Pour Baldwin, non, la solution n'est pas dans la radicalité, la solution c'est l'amour. Qui est le deuxième grand thème de l'essai « La prochaine fois, le feu ». Puis on va un peu boucler la boucle en écoutant un dernier extrait de James Baldwin. On va revenir un petit peu à ce dont on discutait au début de l'émission. Cette espèce de manière, c'est plus que de l'habileté, il y a de la sincérité là-dedans, mais j'allais dire ce mouvement où il renvoie au blanc le problème racial aux États-Unis, parce que c'est ça qui est intéressant dans Baldwin, c'est qu'il situe cette question raciale dans un contexte plus large, celui de la société américaine, comment elle se définit, cette société-là, comment elle se voit, comment elle se perçoit. On l'écoute, James Baldwin, cette fois à l'émission Dialogue, en mars 1983. Dans le contexte américain, quand les Américains se trouvent en difficulté, la première chose qu'ils font, ils réagissent comme si c'est la faute des Noirs. Comme si s'il n'y avait pas pour nous, on n'était pas là, nous, les choses pour les blancs, pour les soi-disant blancs américains, ne seraient pas si difficiles. C'est une espèce de comédie psychodrame, presque, qui a pour résultat, les Américains se trouvent devant l'impossibilité de faire face à leur situation. Entre leur situation et eux-mêmes, il y a le fantasme, le rêve, le cauchemar du sale nègre. Et donc, ils ne regardent pas les vraies racines de leur vraie angoisse, car ils ont toujours trouvé un bouc émissaire. si l'économie ne marche pas, c'est de notre faute. C'est nous qui se trouvons dans le welfare, d'après eux. C'est nous qui avons tous les bâtards. C'est nous qui n'avons pas envie de travailler. C'est nous qui oh, bref, c'est nous qui méritons nos sorts. C'était eux, les Blancs, à Birmingham, Alabama, qui étaient vraiment en prison. Dès que tu es forcé de brutaliser les femmes et les enfants, en sachant que ce sont des enfants et des femmes, dès que tu es poussé si loin, c'est toi qui, même si moi je meurs, c'est pas moi qui est dans l'enfer. C'est vous qui êtes aveuglé et on tremble pour vous. Parce qu'il n'y a rien que tu puisses faire maintenant contre moi. Ça, c'est fini. Tu peux me tuer, c'est tout. Ça, c'est fascinant parce qu'au fond, il ne cesse de s'adresser aux Blancs. Hein, Baldwin, comment il est reçu, son message, par les Blancs? Mais c'est intéressant ce qu'on vient d'entendre parce qu'il reprend ici le message de La prochaine fois le feu, les grandes idées de La prochaine fois le feu, qui sont difficilement écoutées en 1963 et encore aujourd'hui. Parce qu'au fond, Baldwin dit des choses très simples. Il dit que le problème, ce n'est pas les Noirs aux États-Unis. La prison, la véritable prison, ce n'est pas celle des Noirs qui est bien réelle. La véritable prison, c'est la prison des Blancs. C'est cette croyance qu'ils ont qu'ils sont Blancs. Et au fond, en croyant qu'ils sont blancs, ils refusent de s'aimer, car ils refusent d'aimer la part noire qu'ils ont en eux. C'est vraiment le message central de Baldwin qu'on vient d'entendre et qui se trouve dans La prochaine fois le feu. Il appelle les Blancs à se réconcilier avec eux-mêmes. Mmh. Alors, c'est très, très difficile d'entendre ça en 1963 dans une société américaine qui est au bord de la guerre civile. Ouais. Mais en fait, c'est un message très simple. Baldwin, c'est le prophète de l'amour. C'est le prophète de la sensualité. C'est le prophète d'une réconciliation qui suppose que les Noirs ne doivent pas chercher la séparation et les Blancs doivent accepter d'aimer la part noire en eux. Message qui ne sera pas entendu, ce qui fait qu'il retournera, puis on termine l'émission comme ça, ce sera les dernières années de sa vie, il retournera en France en 1970. Oui, il s'installe en Provence dans les années 70 et Baldwin continue à écrire jusqu'à sa mort, mais jusqu'à sa mort... Plus il vieillit et plus il se pose la question, en effet, de la possibilité réelle d'une réconciliation. Souvenez-vous, hein, le titre de l'essai de 63, c'est La prochaine fois, Le feu. Ouais. Il reprend ici les paroles célèbres d'un Negro spiritual. Alors, il n'est pas impossible pour que Baldwin, malgré son optimisme, que la réconciliation n'ait pas lieu. Il est possible que le feu soit la solution ou la conséquence, finalement, du refus des Blancs de s'aimer. Alors, en Provence, il trouve une certaine paix, il trouve l'amour, il est entouré de toutes sortes d'artistes, Joséphine Baker, comme Marguerite Yourcenar, Yves Montand sont autour de lui. Sidney Poitier. Absolument. Et donc, il est entouré de toutes ces personnes. Et jusqu'à la fin, il reste un prophète que l'on écoute, que l'on admire, mais c'est un prophète un peu déçu, peut-être incertain d'avoir accompli sa mission. Jean-Pierre Ledelenec, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke, ami de l'émission. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.